Yeah. Yeah, yeah. Oh. Ah, bébé. Quelques mois qu'on se connaît. Entre nous, ça peut coller. Faut laisser le temps couler. Mais toi, tu m'as l'air d'être pressé. C'est pas ma manière de procéder. À cause de celui qui me précédait. Les choses, tu veux accélérer. Non, non. Doucement, doucement. T'inquiète, je vais pas m'en aller. Doucement, doucement. Laisse-moi le temps de t'aimer. Doucement, doucement. T'inquiète, je vais pas m'en aller. Doucement, doucement. Laisse-moi le temps de t'aimer. Bébé, pas la peine de s'affoler. Petit à petit, je vais me rapprocher. Suis-moi, tu peux t'accrocher. T'inquiète, je serai là après la noche. Dans ma vie, t'es arrivé. Si tout va bien, délire, on va tisser. Maintenant, je peux pas tout donner. Doucement, doucement. T'inquiète, je vais pas m'en aller. Doucement, doucement. Laisse-moi le temps de t'aimer. Doucement, doucement. T'inquiète, je vais pas m'en aller. Doucement, doucement. Laisse-moi le temps de t'aimer. Laisse-moi le temps. Là où je vais pas m'en aller. No, no, no, no, no, no. Doucement, oh, ah. Doucement, doucement. T'inquiète, je vais pas m'en aller. Doucement, doucement. Laisse-moi le temps de t'aimer. Doucement, doucement. T'inquiète, je vais pas m'en aller. Doucement, doucement. Laisse-moi le temps de t'aimer. Yeah.